Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Bientôt sur l'application Radio France et franceinter.fr. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant la merveilleuse invention de la tongue, Alexandre le Grand, immense conquérant grec originaire de Macédoine, oui, comme la salade, régnait sur la quasi-totalité du monde connu. À sa mort, en 323 avant notre ère, ses généraux se partagent son empire, comme ça, comme un gros gâteau. Parmi eux, Ptolémée Ier, grec lui aussi, obtient la province d'Égypte. Commence alors une longue dynastie de Ptolémée. 300 longues années s'écoulent, durant lesquelles l'Égypte est gouvernée par des Grecs. Mais un jour, un sérieux danger apparaît. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Empire romain a faim et dévore tout ce qu'il a sous la main. Mamma mia! Vont-ils bientôt porter la totoge, les descendants des glorieux pharaons? C'est sans compter sur le courage, l'intelligence et l'audace d'une reine exceptionnelle qui n'a qu'une obsession. Restaurer, reconstruire et on peut même dire, oh oui, rebâtir la puissance de son pays. Cette reine s'appelle Cléopâtre. Rebâtir, plâtre, vous me suivez? Bref. Pour protéger son pays, Cléopâtre, reine parmi les reines, femme de tête, stratège d'exception, doit naviguer en eau trouble, dans un monde rempli de tigres et de serpents. Prépare-toi à embarquer pour une folle saga en 2 épisodes. Oui, je sais, 2 épisodes, c'est peu pour une saga. Oh, mais je fais ce que je peux. Il y aura de l'or, de l'amour, de l'ambition, des complots et des morts noyés dans le Nil. Voici l'odyssée d'une souveraine au tempérament de feu, sur laquelle circulent tant de légendes qu'on a parfois dit un peu n'importe quoi. Voici l'odyssée de la reine, Cléopâtre. Les Odyssées de France Inter. Je vous fais découvrir Cléopâtre à partir du 13 décembre sur l'appli Radio France. Après le succès, la reprise. Retrouvez Laure Grand-Besançon sur scène dans le spectacle Les Odyssées, adapté du podcast. Actuellement au Théâtre Libre à Paris. Réservez vos places.